Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, action et suspense. John et sa femme Lara vivent un bonheur sans nuages, jusqu'au jour où Lara est arrêtée pour un meurtre qu'elle affirme n'avoir pas commis. 3 ans après le verdict, John se débat pour préserver l'unité de sa famille, élevant seul leur fils Luke, tout en se démenant pour prouver l'innocence de sa femme. Tu es prêt ? Allez, sur la ligne de départ, c'est toi qui donnes le top. Stop ! Rapprochez-vous. On va pas faire ça tous les matins, c'est ridicule. Seulement jusqu'à ses 18 ans, souris. J'y vais. Police, on a un mandat d'arrêt. Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de... Appelle un avocat. Laura ! Oubliez le passé de votre femme. Regardez les preuves. Je les ai vues, les preuves. Elle est innocente. Ce qu'on croit n'a aucune importance. Laura ne sortira pas. Ma femme vient de faire une tentative de suicide. Il faut que je la voie. 2 minutes, s'il vous plaît. Je suis pas sûre de pouvoir tenir encore longtemps. Je te le promets. Ce ne sera pas ta vie. Tu veux savoir quoi ? Comment vous vous êtes évadé alors que personne n'a réussi ? Aucune prison au monde n'est sans point faible. Il faut que ton plan soit entièrement prévu à l'avance. Tu dois te demander si tu es capable de tuer un gardien, d'abandonner ton gosse dans une station-service, parce que pour y arriver, c'est l'homme que tu devras devenir. Si tu sais que tu ne pourras pas, ne tente rien. Les 3 prochains jours, avec Russell Crowe et Elizabeth Banks, un DVD 7-7.